Bonjour, bonsoir. Vous êtes prêts pour ce nouveau voyage, le 730e? Si vous êtes prêts, moi je le suis. Et on va commencer tout de suite dans un beau pays savoyard avec une chanson que vous aimez et que vous allez d'ailleurs pouvoir chanter puisqu'il s'agit tout simplement d'Étoiles des Neiges. Étions dans une petite valse, on va continuer dans cette petite valse avec Bernard Marly. Thank you. Allez, un petit moment de tendresse, ça va pas nous faire de mal. Eh bien, on va continuer, hein. On va rester, justement, on va rester dans cet univers de volupté avec seulement l'amour et rien que l'amour. Seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout si tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Toi, ma raison d'être, de tout abandonner, mon envie de renaître pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, ma raison de vivre, de tout abandonner, mon envie de te suivre pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour, jusqu'au bout de nos nuits, qui nous emmène pour ne pas qu'on oublie que par amour on donnerait nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Seulement l'amour, pour qu'il vienne. Pour ne pas qu'on oublie que par amour on donnerait. étions donc avec ce Fox qui nous était interprété par Bernard Marly. Nous étions parmi les fleurs des alpages savoyards. Qu'est-ce qu'on était bien dans cette petite valse avec un petit, plutôt dans ce petit Fox, pardon, un petit Fox donc. La valse, ce sera après ceci. Soleil, des nuits magiques, des siestes sans sommeil, un été d'amour. Quand le rêve est aussi beau, quand le stress est à zéro, le temps des vacances, ça finit toujours trop tôt. Un prénom Vous avez reconnu, bien sûr, le chanteur italo-belge, ou franco-italo-belge, on va dire ça comme ça, l'ami Fredo, bien sûr, avec Adios Amor. On va retourner un petit peu du côté de la Savoie, un pays que nous aimons, un pays qui nous attire et un pays où il fait bon vivre, surtout, surtout quand il s'agit d'accordéon. Après ce coucou, une petite balade au bord du lac d'Annecy.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Accoudé au comptoir de son bistrot, Charlie pleure en écoutant la radio. Ce soir c'en était trop, en rentrant du boulot, elle est partie de chez lui, sa petite Margot. Elle qui rêvait de Venise ou Rio, passait toutes ses nuits dans son bistrot. Alors la belle Margot, en brin d'esperado, se jeta dans les bras d'un gigolo. Tous les copains de Charlie se sont tous réunis, et pour lui ils se sont mis à chanter. Il faut pas pleurer, Charlie, il faut pas pleurer. Aujourd'hui la pluie, demain le soleil va briller. Ressors ta guitare, Charlie, et fais-nous danser. Comme au bon vieux temps, au coin du feu, on va chanter. Il faut pas pleurer, Charlie, il faut pas pleurer. Jusqu'au bout de la nuit, on va trinquer à ta santé. Elle reviendra lundi, le cœur serré. Et c'est toi, mon vieux Charlie, qui rira le dernier. Il faut pas pleurer, Charlie, il faut pas pleurer. Aujourd'hui la pluie, demain le soleil va briller. Ressens ta guitare, Charlie, et fais-nous danser. Comme au bon vieux temps, au coin du feu, on va chanter. Il faut pas pleurer, Charlie, il faut pas pleurer. Jusqu'au bout de la nuit, on va trinquer à ta santé. Elle reviendra lundi, le cœur serré. Et c'est toi, mon vieux Charlie, qui rira le dernier. Ça se termine. Ah, c'est fini. Non, c'est pas fini. Quand c'est fini, ça recommence. Ça n'a pas de souci. Entre toi et moi, c'est la love story. Je te dis my love, hey, tu me réponds baby. Nous vivons un peu comme au Tennessee. Même si nous gardons bien notre accent frenchy, comme d'habitude, nous chantons My Way, et puis on enchaîne avec Night and Day. Comme dans un standard écrit par Elvis, après chaque refrain, on se fait des French kiss. Comme dans une chanson américaine, nous vivons tous deux on the road again. Notre histoire connaît une happy end. C'est jamais fini dans les séries. Made in Hollywood, en Californie. On se mange un Mac, et puis au feeling, j'propose un western, hey, ça te dit darling. T'es toujours ok pour jouer les cowboys. Tu es ma big star, et moi je suis ton little boy. On aime les polars, même les vieux Hitchcock, Papi Sinatra et bien sûr le rock. Quand on se mariera, on se dira yes, direction Miami ou bien Los Angeles. Comme dans une chanson américaine, nous vivons tout de on the road again. Nous roulons le jour, jouons la nuit, des country style Memphis, Tennessee. Comme dans une chanson américaine, notre histoire comme les happy end. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On continue ? Allez, on est là, on va s'amuser, on va continuer. C'est décidé, je partirai ce soir avec toi. Je veux sentir tous les jours ta chaleur dans mes bras. Pour oublier tous ces instants passés loin de toi et découvrir la vie là-bas. Toujours ensemble, partons main dans la main, amoureux. Le cœur brûlant, je vois nos regards aventureux. C'est enivrant, commençons ce chemin fabuleux. Tout en rêvant à nous heureux. Et nous irons danser, tourner, rire et puis chanter sous le ciel espagnol. Nous pourrons nous aider et nous balader sous le soleil de Catalogne. Et plus tard au matin, tu te réveilleras, je serai devant toi avec un baiser pour tes lèvres. Puisque ça se termine en queue de poisson, on va remettre un peu de chaleur. Thank you.

Écoute bien toutes ces musiques jouées sur l'air du temps qui fuit. Le monde est fou, tout va trop vite. C'est le destin, mais c'est ta vie. Et dans tes joies, voilà Fanfan, vous pouvez embrasser votre cavalière, vous l'avez bien méritée, ainsi qu'elle, bien évidemment. Adios amor, adios adios y buena suerte. Yo te deseo toda la felicidad, sinceramente. Adiós amor, adiós adiós, sufro al perderte. Si un día decides regresar, aquí estaré por ti esperando. Aunque lo nuestro hasta hoy no pudo ser, te sigo amando. Estás tan dentro, dentro de mi corazón, que no quisiera que te fueras nunca, amor. Pero es inútil. Adiós, amor. Se acabó la ilusión que había en mi corazón. ¿Cómo dejar de amarte? Adiós, amor. Sufre mi corazón, eres tú. Adiós, sufro al perderte. Si un día decides regresar, aquí estaré por ti esperando. Aunque lo nuestro hasta hoy no pudo ser, te sigo amando.

vida nada ya. El día que quieras puedes irte. ¿Para qué hacerte esperar? Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas. Adiós, amor, que seas feliz de más. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Te bendiga, buena suerte, ¿qué más te puedo desear? Te quiero tanto, tanto, tanto, que te doy tu libertad. Si un día comprendes que me quieres en verdad, regresa a casa. Cuando quieras regresar. Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas. Adiós, amor, que seas feliz de más. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Goodbye, goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. Si un día quieres tú volver a mí, regresa a casa cuando quieras regresar. Voilà, c'est avec une chanson chaleureuse que l'on termine cette deuxième partie de l'émission. Pour commencer tout de suite, sans tarder, eh bien, le quart d'heure italien, c'est parti. Bien sûr, c'est parti. Son quattro giocatori con le bocce nelle mani che si giocano stasera la bottiglia di Barbera. A quattro passi dal gioco da bocce c'è una balera affollata di gente, ma i quattro grigi fan finta di niente. Le bocce, il barbera e il caffè. Due son calvi, due son grigi. Due son grassi, due son magri. Ma son tutti giovanotti, sui 65 rotti. Nella balera profumo di donna, una coppietta si bacia in giardino. Ma per i quattro c'è solo il pallino, ci son le voci, il barbera e il caffè. Sono quattro i giocatori con le bocce nelle mani che si giocano stasera la bottiglia di Barbera. Una ragazza non ha il cavaliere, si guarda intorno cercando qualcuno, ma per i quattro non c'è più nessuno, ci sono le bocce, il barbera e il caffè. Son calvi, due son grigi, due son grassi, due son magri, ma son tutti giovanotti sui 65 rotti. Però il sospetto che facciano finta che gli interessi soltanto il barbera, perché se slaccio la mia giarrettiera cascano le bocce e si versa il caffè. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Come prima, più di prima, t'amerò per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Ah, ces vieilles mélodies, ces vieilles chansons italiennes, toujours à la page, toujours dans cette orchestration, on va dire un peu exceptionnelle. N'ayons pas peur du mot. Bien toujours sur le 91, sur le 102.5, et c'est bien toujours et encore, oui, le quart d'heure italien que vous écoutez sur le 91 et sur le 102.5. Camminavo nella notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me. Aveva il viso di un bambino. Aveva tutto e sai perché? Renene, aveva gli occhi dell'amore verdi, come due lacrime d'amore grandi. Aveva gli occhi dell'amore verdi. Mi innamorai di lei, lei di me. Abbiamo girato per le strade come rondini perdute. te. Abbiamo vissuto mille anni nello spazio di due ore. Quando il mattino ci ha svegliati, senza parlare l'ho baciata. Aveva gli occhi dell'amore verdi e l'ho baciata perché amo lei. Aveva gli occhi dell'amore verdi, mi innamorai di lei, mi innamorai di lei, lei di me. Lei di me. Credi, credi, aveva gli occhi dell'amore verdi, come due lacrime d'amore grandi. Aveva gli occhi dell'amore verdi, come due lacrime d'amore grandi. Thank you. Toujours dans ce quart d'heure italien qui va bientôt se terminer. Et oui, c'est comme tout, toutes les bonnes choses et les belles choses se terminent un jour. Un jour, à un moment donné, évidemment, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Quando lasci i sogni a metà, con la sveglia che risuona, che sia la volta buona di farla a pezzi e non sentirla più. Ma poi sento qualcosa, cos'è? Un profumo di latte e caffè, e mi alzo felice perché la giornata inizia con te. Cos'è la vita cos'è? È come un bacio al latte e caffè. Cos'è l'amore, l'amore cos'è? È quel profumo che parla di te. E non si può iniziare meglio la giornata, è mille volte meglio della cioccolata. Il mondo intero ti sorride, sai perché? Ci vuole un bacio al latte e caffè. Ogni volta che ti senti giù, se al lavoro non ce la fai più, il telefono che suona, che sia la volta buona di farlo a pezzi e non sentirlo più. Ma stavolta, amore, sei tu, ogni istante mi manchi di più. Vorrei essere a casa con te, darti un bacio al latte e caffè. Cos'è la vita? La vita cos'è? Come un bacio al latte e caffè. Cos'è l'amore, l'amore cos'è? È quel profumo che parla di te. E non si può iniziare meglio la giornata, è mille volte meglio della cioccolata. Il mondo intero ti sorride, sai perché? Ci vuole un bacio al latte e caffè. Ci vuole un bacio. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo tra di noi. E tu sei arrivato, mi hai guardato. All'improvviso sarà che mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito. all'improvviso. Sarà che mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso. All'improvviso io non so perché, non lo so perché. All'improvviso, all'improvviso sarà che mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Et oui, voilà, on arrive au terme de cette émission, la 730e du nom. Et oui, la 730e, 730 émissions que l'on passe ensemble. Rendez-vous donc, aïe, aïe, aïe, rendez-vous donc. Des rendez-vous que l'on n'oublie pas, des rendez-vous qui nous sont précieux et des rendez-vous que l'on attend d'une semaine à l'autre. On continue ? Encore pour quelques minutes, et ce sera la fin avec ceci. Se immagino che tu sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme a un altro e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui. Se io chiudo gli occhi sono tua. Pazza idea, io che sorrido a lui, sognando di stare a piangere con te. Folle, folle, folle idea, sentirti mio. Se io chiudo gli occhi sono tua. Tu guidavi mentre io, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi hai detto, senti, camminiamo. Siamo scesi in fretta ma restati lì, in silenzio, soli. Io ti ho stretto, stretto a me. La tua giacca sul mio viso, mi hai detto, basta amore, sono stanco, lo vuoi tu. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Voilà, c'est avec cette toute dernière que l'on se quitte pour mieux nous retrouver très bientôt sur le 91, sur le 102.5 de Sorgier FM, la radio la plus proche de chez vous. Merci à toi Alain, toujours ami, toujours fidèle, je te remercie. Bonne journée, bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée et bonne soirée et bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, à vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. Pazza idea, stare qui con lui, ma poi vedere solo te. Imaginare.